Bonjour, chers amis du Japon. Ici France Gall qui vous envoie son plus amical bonjour de Paris. En vous disant ces quelques mots, dur de ma chambre, je vois la Seine à mes pieds et les péniches qui s'y promènent et au loin, la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que je suis merveilleusement heureuse d'avoir gagné le Grand Prix Eurovision. Je vais vous confier un secret que j'ai depuis très longtemps, depuis que je suis une toute petite fille. J'aimerais tellement aller au Japon. Et en attendant ce jour, qui j'espère arrivera très vite, j'envoie à tous le plus amical sourire d'une petite Française.